Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Quelle est la place des femmes dans les sociétés préhistoriques ? En 1885, le docteur Henri Tullier fait paraître un essai de sociologie physiologique, c'est comme ça qu'il l'appelle. La femme, ce qu'elle a été, ce qu'elle est, les théories de ce qu'elle doit être. Il écrit, c'est à l'aide des analogies entre les armes, les outils, la manière de s'alimenter, les sépultures, les ossements, etc., des hommes primitifs, que l'on peut déterminer le rang qu'occupait la femme dans les sociétés des premiers âges. Bref, pour lui, c'est à travers l'homme que l'on connaît la femme. Et il a cette conclusion terrible. L'homme fossile n'avait pas de femme, mais des esclaves femelles qui, en même temps qu'elles faisaient au hasard des hommes dans la tribu, servaient de mâles au mâle dans les plus grands travaux et étaient chargées du labeur les plus pénibles. Il conclut, ce sont les analogies les plus serrées qui conduisent à dire que la femme préhistorique n'était qu'une bête de somme. Anne Augereau, bonjour. Bonjour. Je lisais cet extrait d'un ouvrage de 1885 qui réfléchissait sur la femme, au singulier tel qu'il l'écrit, en disant « la femme préhistorique n'était qu'une bête de somme ». Quel regard portez-vous sur ce jugement, aujourd'hui daté évidemment ? Peut-être pas tant que ça. Alors, ce que je pense, c'est d'après les études que moi j'ai faites, je crois que, en tout cas pour le néolithique, et je ne parlerai que de néolithique puisque c'est la période que je connais le mieux, effectivement, on s'aperçoit que les femmes ont quand même un certain nombre de... Il y a un certain nombre de données qui montrent que les femmes travaillaient beaucoup. D'une part, elles ont des marques sur les os qui montrent qu'elles avaient des activités extrêmement répétitives et intenses, peut-être dans le cadre de la mouture de céréales. Elles étaient aussi un petit peu plus en mauvaise santé que les hommes. Donc, Monsieur Tullier a peut-être été visionnaire, en tout cas pour le néolithique. Anne Augereau, vous êtes néolithicienne, donc vous êtes spécialiste du néolithique. Il faut rappeler, c'est cette période, en fait, où apparaît l'agriculture, et je le dis en quelques mots, juste pour simplifier. Et vous êtes aussi archéologue à l'INRAP, hein, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventif, au travail toujours admirable. Et dans cette réflexion qui nous conduit aujourd'hui dans le cours de l'histoire à penser la place des femmes dans les sociétés préhistoriennes, avec nous également Claudine Cohen, bonjour. Bonjour. Alors je vous pose la même question sur ce jugement de la fin du 19e siècle, la femme bête de somme préhistorique. Alors ce qui m'intéresse dans cette formulation, c'est « n'était qu'une ». Hein, c'est vraiment réducteur. Et c'est une façon d'inférioriser toujours déjà les femmes à toutes les périodes de la préhistoire. Et puis la femme préhistorique, c'est aussi un concept qui est à interroger. Anne Augereau expliquait qu'en tant que néolithicienne, elle pouvait dire un certain nombre de choses. Mais la préhistoire, c'est pas seulement le néolithique qui est au fond la période la plus tardive de cette préhistoire, c'est aussi le paléolithique, c'est-à-dire tout ce qui enracine l'humanité dans les siècles et les millénaires les plus profonds, jusqu'à 7 millions d'années. Et ce jugement est sans doute à modifier, à moduler, à travers ce qu'on peut connaître et ce qu'on peut aussi spéculer sur les rôles des femmes dans ces sociétés les plus anciennes. Claudine Cohen, vous êtes philosophe, historienne des sciences de l'évolution et effectivement vous placez tout de suite cet élément de réflexion qui est essentiel dès que nous parlons de la préhistoire n'est pas un tout, n'est pas englobant et vous, Anne Augereau, vous avez cette honnêteté intellectuelle de dire moi je suis spécialiste du néolithique, cette période plus tardive de la préhistoire. Mais la préhistoire, ce n'est pas que ça. Et dès qu'il est question du vocabulaire, nous voyons beaucoup de choses se mettre en place, et notamment sur le mot « homme ». Nous avons énormément d'hommes. L'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal. Claudine Cohen, ça vous fait quelle approche particulière de la préhistoire de dire toujours « l'homme est mis en avant » ou en tout cas dans la construction de la préhistoire, c'est toujours ce mot « homme » qui a été mis en avant. Bon, alors on essaye quand même de moduler les choses et c'est vrai que quand on écrit, et j'ai écrit moi-même homme pour désigner l'ensemble des humains d'une époque ou d'une espèce, on met un H majuscule. Et quand on veut parler de l'homme au sens masculin, on met un H minuscule. Ça permet déjà de faire une différenciation pour l'écrit. Alors il est évident que c'est une différenciation subtile qui n'a pas toujours été respectée par les préhistoriens. Et très souvent, on parle de l'homme masculin et puis on dérive vers l'humanité en général. Par exemple, dans certains modèles qui ont été élaborés et qui ont eu un grand succès dans les années 60, 70, en particulier aux États-Unis, sur l'homme chasseur. Et on expliquait que la chasse était vraiment le moteur de l'évolution humaine, de ce qu'on appelait l'hominisation, le devenir homme. Et c'est à travers donc le fait d'abord de fabriquer des outils qui exerçaient donc toute l'habileté manuelle et l'intelligence, ensuite de traquer le gibier, ensuite de le tuer, ensuite de le découper et de le partager, que les hommes, alors les hommes masculins évidemment, hein, c'est eux qui chassaient, ont acquis toutes ces capacités d'intelligence, d'habileté, de partage. Et puis finalement, on ramenait le butin à la grotte, parce qu'on imaginait être le foyer, et on échangeait, on troquait ces protéines, cette viande, contre les faveurs sexuelles des femmes. Voilà le modèle qui avait été élaboré avec beaucoup de fierté par les paléontologues et les préhistoriens américains des années 60-70. Alors il est évident que ça satisfaisait beaucoup de choses, mais que les femmes qui ont commencé à s'insérer dans ces professions-là à cette époque, eh bien, se sont un petit peu érigées en faux contre cette construction et on dit, et ça a été quand même la première fois qu'on a voulu affirmer cette présence des femmes dans la préhistoire, c'est vraiment autour de ces mouvements féministes américains des années 60-70, féminismes radicaux, hein, et c'est là qu'on a essayé de redresser un peu la barre et de dire, après tout, les femmes faisaient beaucoup de choses, elles cueillaient, elles faisaient elles avaient toutes sortes d'activités et peut-être même étaient-elles au centre de ces sociétés. Alors, on est peut-être allé un peu loin dans ce genre de construction, mais en tout cas, on a redonné une visibilité à ce qui était, dans le discours de beaucoup de préhistoriens, y compris les préhistoriens français, invisible. On disait que la femme était invisible archéologiquement. On ne pouvait pas la voir parce que quand on a un caillou, on ne peut pas assigner un sexe à ce caillou. Et donc, voilà, c'est invisible. Mais quand c'est invisible, ben, on raconte des choses qu'on a dans l'imagination, des choses qui reviennent à l'idéologie d'un temps et d'un lieu. Et ainsi, on charrie toutes sortes de poncifs, de lieux communs qui vont s'appliquer à la préhistoire. Et la barre était à redresser, hein, vous nous le dites, Claudine Cohen, mais à redresser bien, bien, bien et beaucoup, parce que pendant très longtemps, c'est un monde extrêmement masculin que celui des préhistoriens, et donc qui crée cet univers, en projetant d'ailleurs leurs propres fantasmes parfois sur la préhistoire. Anne Augereau, dans ce que nous avons entendu, là, c'est vrai qu'il y a les études sur le genre qui permettent de porter un nouveau regard sur la préhistoire. C'est un mouvement qui vient du monde anglo-saxon, d'ailleurs, disait Claudine Cohen. C'est intéressant aussi. Alors, c'est un mouvement qui vient du monde anglo-saxon, qui a émergé dans les années, à la fin des années 60-70, et qui a été, dans un premier temps, une critique féministe de l'archéologie, et qui visait, notamment, comme Claudine Cohen l'a rappelé, à mettre en évidence les biais sexistes dans l'analyse des données archéologiques, à rendre visibles les femmes, et à développer l'archéologie du genre. Et l'archéologie du genre, c'est quelque chose qui certes s'enracine dans l'archéologie féministe, mais qui a construit ses propres outils d'analyse, puisque le genre, les études de genre, c'est par définition les études des rapports de domination entre les hommes et les femmes. Et donc pour faire une étude de genre en archéologie, il faut donc considérer bien entendu les femmes, mais aussi les hommes, et essayer de mettre en évidence leurs rapports par diverses analyses. Et la chance que l'on a, nous, en archéologie, c'est que le genre, il se matérialise. Il se matérialise dans les vêtements, il se matérialise dans les postures corporelles, il se matérialise dans les activités des uns et des autres, des hommes et des femmes, des enfants, des vieillards, etc. Il se matérialise aussi dans les pratiques funéraires. On n'enterre pas de la même manière un homme, une femme, un enfant, etc. Enfin, on peut ne pas enterrer de la même manière. Et puis, il y a aussi le genre se matérialise par des habitudes alimentaires. Et donc, maintenant, avec les possibilités qu'offrent les analyses chimiques, on peut restituer, en partie en tout cas, les habitudes alimentaires des populations préhistoriques, et notamment celles des hommes et des femmes. Et là, on a des résultats pour dire que, effectivement, les conditions des hommes et celles des femmes étaient variables, et variables au sein du groupe des hommes, mais variables également au sein du groupe des femmes. Donc on arrive à voir plusieurs segments sociaux à partir du croisement de l'ensemble de ces données. Avec toujours cette question, effectivement, vous nous le dites, à Nogerot, il y a comme des traces évidentes. Si un squelette est féminin, nous regardons si la sépulture est luxueuse ou pas. Et puis parfois, il y a ce problème de la peinture rupestre faite par un homme, par une femme, du caillou taillé. Alors la pierre taillée, un homme, une femme. Et malgré tout, Claudine Cohen, avec tous les éléments de réflexion et d'analyse aujourd'hui, eh bien, d'autres hypothèses se mettent en place sur le rôle des femmes dans ces sociétés préhistoriques. Oui, alors au-delà, Anne Augereau travaille sur le néolithique et elle a la chance de travailler sur une période de la préhistoire qui est quand même très riche en vestiges et sur lesquels on peut déterminer par exemple le sexe des gens à travers des sépultures très bien conservées, à travers des squelettes dont on peut extraire l'ADN, etc. Ce qui n'est pas le cas pour toute la période la plus ancienne de la préhistoire. Et donc, il y a là, évidemment, des recherches qui doivent être de plus en plus subtiles, qui doivent faire appel à des méthodes de plus en plus sophistiquées pour identifier déjà les fossiles. Hein. Donc, la paléontologie humaine, il n'y a pas que l'archéologie qui est investie dans cette affaire de reconnaissance de la différence sexuelle, de la différence des rôles sociaux. Moi, je dirais, bien sûr, le genre, c'est l'identification des rapports de domination, mais c'est plus largement la construction sociale de cette différence à travers des pratiques, à travers un certain nombre de paramètres qui peuvent être à la fois liés à la nutrition, à la reproduction, etc. Donc, si vous voulez, tout ça fait un ensemble sur lequel on peut essayer de réfléchir de plus en plus finement, d'autant plus qu'on va très très loin dans ce passé. Alors, vous parliez de l'identification des cailloux, de l'identification des auteurs, des formes artistiques. Eh bien, les préhistoriens ont diversifié un peu leurs outils d'enquête. À travers des pratiques qu'on peut dire expérimentales. Alors, en ce qui concerne les outils de pierre taillée, évidemment, ça reste un mystère. Vous trouvez un objet, comment identifier son auteur, comment identifier son utilisateur. Il y a tout un pan de l'archéologie préhistorique, et en particulier pour le paléolithique, qui s'est attaché à essayer de reproduire ces objets dans leurs gestes, dans ce qu'on appelle la chaîne opératoire, dans les outils qui sont utilisés pour fabriquer ces outils, et aussi l'étude de leur utilisation à travers ce qu'on appelle la tracéologie, donc les traces qu'on peut reconnaître sur ces objets, et à travers des formes d'utilisation expérimentale. Et finalement, l'archéologie est devenue aussi une science expérimentale à ce titre-là. Et alors, ce qu'on a pu trouver, c'est que des femmes, par exemple, peuvent très très bien tailler des outils, que au fond, ce silex, cette hache de pierre qu'on a souvent mise dans la main de l'homme préhistorique, etc., c'est aussi un objet qui peut être fabriqué par des femmes. Ça ne demande pas une force extraordinaire, ça demande plutôt de l'adresse, de la compétence, de la connaissance de cette séquence gestuelle, etc. Et pourquoi pas, on est dans le pourquoi pas. Hein, pourquoi des femmes n'auraient-elles pas taillé des outils, utilisé des outils? Et on peut très bien imaginer que dans leurs activités, qui pouvaient être par exemple des activités de cueillette, dans ces sociétés paléolithiques de chasseurs-cueilleurs, eh bien elles avaient évidemment besoin d'outils. Il y a aussi tout un pan de l'activité qui est lié à l'usage des plantes, et on sait donc que les femmes, très souvent dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, sont celles qui ont donc cette spécialisation dans la cueillette, dans l'utilisation des plantes. L'utilisation des plantes non seulement pour la nourriture, non seulement pour la pharmacopée, mais aussi pour la fabrication de paniers, de vanneries, de tissages, etc., dont on a retrouvé des traces très tôt au paléolithique supérieur, et même, je pense, chez les Néandertaliens, on a trouvé des cordes et des travaux de liens qui ont été faits à travers ces usages de fibres et de plantes. Donc il y a tout un tas d'activités qui peuvent être expérimentées, qui peuvent être reconnues comme pouvant être féminine, et il y a d'autres types de modèles aussi qui permettent d'élucider ce genre de pratique. Ce sont des modèles qui sont dérivés de ce qu'on peut appeler l'ethno-archéologie. Alors l'ethno-archéologie, c'est un instrument évidemment qu'il faut manipuler avec précaution, mais qui est extrêmement utile pour la compréhension en particulier des sociétés de chasseurs-cueilleurs. En quoi ça consiste? Ça consiste dans le fait d'étudier de façon très fine les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles ou subactuelles, celles qui existent aujourd'hui encore en Afrique du Sud, en Nouvelle-Guinée, etc. Il y a eu des grands travaux d'ethnologues qui ont été faits. Et de voir, non pas de transposer ces modèles-là directement sur les sociétés de la préhistoire, mais d'en tirer un certain nombre de paramètres qui pourront être utilisés pour élucider, par exemple, les rapports entre les hommes et les femmes. Et on sait que dans ces sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles, eh bien, les femmes jouent un rôle très important dans les activités qui pourvoient à la subsistance du groupe. Anne Augereau. Oui, pour la taille du silex, parce que je suis non seulement archéologue du genre, mais aussi spécialiste des industries lithiques néolithiques, donc je connais parfaitement bien le sujet. Vous avez dit, Claudine, que pour la taille du silex, on était dans la possibilité, dans l'hypothèse que les femmes puissent tailler le silex. C'est clair qu'il n'y a pas d'obstacle, ni génétique, ni physique, ni quoi que ce soit, ni cognitif, pour que les femmes puissent tailler le silex. Il n'en reste pas moins que dans les sociétés dont on connaît, pour lesquelles on a beaucoup de données, par exemple le néolithique, dans les sépultures, les lames régulières, donc qui sont issues d'un savoir-faire élevé, les lames fabriquées dans les matières premières les plus rares, les plus lointaines, les armatures de flèches qui sont taillées à partir de ces lames régulières sont dans les sépultures d'hommes. Donc l'hypothèse que moi j'émets, c'est que si les femmes taillent le silex, c'est possible. Elle taille des outils assez expédients et les hommes, au contraire, en tout cas certains hommes, peut-être pas tous, taillent les lames les plus régulières dans les matières premières les plus rares et les plus lointaines, pour notamment fabriquer des armatures de flèches. Donc il y a quand même une partition, pour le néolithique encore une fois, une partition sur la taille du silex et des matières premières rares comme l'obsidienne, qui est plutôt faite par les hommes. Oui, parce que quand vous dites Anne Augereau que c'est plutôt fait par les hommes, au sens où l'on retrouve ces éléments dans les sépultures des hommes, mais peut-être qu'elles ont été taillées par une femme. Peut-être qu'elles ont été taillées par des femmes, mais il y a quand même une probabilité très importante pour le fait que ce qui est retrouvé dans les tombes soit lié au personnage enterré dans la tombe. Il y a un certain nombre d'exemples ethnographiques qui montrent, des études ethnographiques qui montrent que dans les tombes, eh bien, est représenté le sexe, la position sociale, etc., etc. Et puis là, nous sommes surtout au néolithique avec vous, donc cette période plus tardive de la préhistoire. Et c'est passionnant aussi toujours de souligner cette évolution. Claudine Cohen, dans cette période, j'ai envie de dire première de la préhistoire, mais absolument gigantesque, hein, le paléolithique, il y a ce rapport entre des hommes, des femmes, dans des sociétés particulières, les chasseurs-cueilleurs, le néolithique, c'est l'agriculture. Est-ce que vous voyez une différence très nette entre ces deux temps, celui des chasseurs-cueilleurs et celui de l'installation et de l'agriculture ? Évidemment, ce sont deux périodes qui se distinguent très très fortement, hein, même si elles concernent toute la préhistoire. La préhistoire étant définie comme ce qui existe avant l'écriture, les sociétés humaines qui précèdent l'écriture, mais c'est déjà très très très large. Et évidemment, cette question de la sédentarité, cette question du début de l'élevage, de l'agriculture, qui caractérise les sociétés néolithiques, eh bien c'est une nouvelle donne, c'est un changement complet. Dans les modes de vie. Hein. On passe donc d'un mode de vie nomade pour l'essentiel, même s'il y a quelques signes de sédentarité ou de semi-sédentarité dans certaines sociétés paléolithiques. Donc un mode de vie nomade, un mode de vie fait de chasse et de cueillette, de prédation, à un mode de vie donc installé, sédentaire, et dans lequel évidemment le rapport en particulier à la reproduction est très différent. Les peuples de chasseurs-cueilleurs, on a souvent dit, et l'abbé Breuil par exemple, interprétait tout l'art paléolithique comme un art destiné à la reproduction, une magie de fécondité, etc. Critiquer ce point de vue par le fait que les femmes n'avaient pas à avoir beaucoup d'enfants avec elles lorsqu'elles, en tant que nomades, et en tant qu'elles devaient se déplacer en portant justement ces enfants. Et dans ce cas, on peut imaginer, et je pense que c'est une chose qui est vérifiée par l'étude des sociétés actuelles de chasseurs-cueilleurs, eh bien, elles cherchent à espacer les naissances. Et cet espacement se fait en général, en donnant le jour à un enfant tous les 4 ans. Alors, ce n'est pas le cas dans les sociétés néolithiques qui, elles, ont besoin de beaucoup de bras, ont besoin de beaucoup d'enfants pour donc cultiver la terre et puis pour transmettre les biens. Transmettre les biens, la reproduction, c'est au cœur en fait de ces réflexions. Et justement, vous évoquez, Claudine Cohen, le fait d'avoir beaucoup d'enfants. Alors les préhistoriens se sont préoccupés de la question, enfin l'abbé Breuil notamment, on réfléchit à cela. Ben, il y a mieux que l'abbé Breuil, il y a Alain Chabat. Papa ! Ah, bonjour les pioupiou ! Ah, Pierre ! C'est bien passé, ils ont été sages ? Oui, très gentils, hein. Ils sont lancés des cailloux, comme d'habitude. Oh, c'est bien. Bon, attendez, il en manque un. Amour, ce matin, les enfants, on n'en avait pas 12. Ah mais oui, en effet. Ah mais Pierre s'est fait bouffer par une bête sauvage pendant qu'on cueillait des feuilles. Ah bah c'est ça, on en avait 12. Allez les enfants, on va se coucher, allez hop, c'est parti. Ils s'appelaient tous Pierre, puisqu'il s'agit de l'âge de Pierre dans le film Re d'Alain Chabat. Justement, cette place de l'enfant dans les sociétés est toujours un élément à mettre au centre de la réflexion sur la place des femmes, puisque par définition, seules les femmes peuvent procréer l'enfant. Anne Augereau, est-ce que cet élément-là est essentiel pour comprendre ce rôle essentiel, lui aussi, des femmes ? Oui. Alors, effectivement, au néolithique, et ça a été démontré statistiquement par des études démographiques d'ampleur, effectivement, au néolithique, on a plus d'enfants qu'au paléolithique, hein, puisque a été estimé 8 enfants par femme en moyenne. Donc, effectivement, il y a plus d'enfants. Et puis, l'enfant, c'est quoi ? C'est un immature social qui est en apprentissage de son rôle de genre, de son rôle économique, de son rôle social, de son rôle divers et varié. Donc il y a aussi tout un pan de l'archéologie qui s'intéresse à l'enfance et qui essaye notamment de déterminer à quel moment on sèvre, enfin ou à quel moment on arrête l'allaitement. pour parler plus simplement. Est-ce que les petites filles et les petits garçons ont eu la même alimentation? Est-ce qu'ils sont considérés, à quel moment ils sont considérés comme étant des adultes en devenir? Et il semblerait que pour le néolithique, ça soit assez tôt. C'est-à-dire qu'on retrouve les panoplies d'adultes dans les tombes d'enfants aux alentours de entre 3 et 6 ans. Donc, dans cette fourchette d'âge, on considère au néolithique, sans doute, que les enfants sont d'ores et déjà des individus genrés. Individus genrés avec ce que vous venez d'évoquer à Nogerou, c'est cette alimentation, cette question-là qui est au cœur, en fait, de toutes ces réflexions, de dire est-ce que hommes et femmes mangent la même chose, mangent de la même manière? Alors, où en sommes-nous aujourd'hui des recherches sur ces questions? Alors, ce sont des recherches en cours pour le Rubanais, pour le premier néolithique d'Europe centrale jusqu'au bassin parisien. Il s'avère qu'il y a des segments sociaux, il y a des groupes sociaux qui n'ont pas tout à fait la même alimentation que les autres. Et c'est notamment le cas des hommes avec des herminettes. Les herminettes, ce sont des petites haches polies qui sont déposées auprès d'eux dans les tombes. Et ces hommes à herminettes ont mangé plus de viande que les autres. Ont mangé plus de protéines animales, en tout cas, que ce soit de la viande, du lait, du fromage, etc. Plus que les autres, d'une part. D'autre part, il semblerait, à l'échelle générale, ce sont des tendances générales, que les femmes ont une alimentation plus riche légumineuses et puis en starchy food en anglais. J'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Les pâtes, les riz, féculents. Voilà. Ont une plus grande absorption de féculents, ce qui provoque un certain nombre de difficultés, notamment de caries. Et qu'il y a aussi chez les femmes certainement des carences alimentaires plus importantes que chez les hommes. Et ça a été mis en évidence par le fait qu'elles ont perdu en stature entre le mésolithique, donc la période d'avant des chasseurs-cueilleurs, et le néolithique, de manière plus importante que les hommes. Ça, c'est une question formidable, de se dire, oh, mais dans notre imaginaire, l'homme est grand et puissant et les femmes sont plus frêles et plus petites. Mais c'est une construction également, sans doute. Claudine Cohen, vous étudiez, vous connaissez bien cette préhistoire très ancienne, avant le néolithique, disons-le, où se mettent en place ces différences très très nettes. Peut-on différencier aussi facilement hommes et femmes au paléolithique? Alors, cette différenciation, effectivement, elle est très intéressante, et c'est très intéressant qu'on puisse la prouver archéologiquement pour le néolithique. Il y a eu un travail tout à fait passionnant d'une anthropologue qui s'appelle Prissy Touraille, qui a produit, d'ailleurs ça a fait un peu scandale dans la communauté scientifique, en 2007, et qui a soutenu une thèse sur précisément la genèse du dimorphisme sexuel. Pourquoi les hommes et les femmes sont-ils un peu différents de taille et de corpulence? Et elle met en rapport ce dimorphisme, non pas avec des traits biologiques, mais avec des traits culturels. Et donc avec le fait que très souvent, dans beaucoup de sociétés, alors elle parle beaucoup de sociétés actuelles, mais on peut enraciner cela dans la préhistoire. Alors maintenant, dans quelle préhistoire, ça reste à définir. En tout cas, le fait que très souvent, les femmes, d'abord, sont sélectionnées par les hommes, c'est ce que Darwin appelait la sélection sexuelle, comme étant plus frêles, plus fines, peut-être pour des raisons de volonté de dominer, c'est possible. Mais aussi, les femmes sont, nourries souvent avec une certaine privation des protéines qui sont plutôt dévolues aux hommes, y compris quand elles sont enceintes, etc. D'où des carences, et d'où aussi ce que souligne Priscille Touraille, cette finesse du squelette et du corps qui conduit à des accouchements difficiles. Et même à des morts en couche, qui est un peu le lot des femmes, par justement tous ces processus de sélection et de différenciation à travers les cultures même. Alors, la question qui se pose est de savoir si ça s'enracine très loin dans l'histoire humaine et si ça s'enracine au paléolithique. Alors, ce qu'on sait du paléolithique, évidemment, on en sait beaucoup moins. Je disais tout à l'heure que les néolithiens avaient beaucoup de chance parce qu'ils ont plein, ils ont des cimetières avec plein de squelettes à pouvoir comparer et étudier par le menu. Au paléolithique, on a parfois un crâne, une dent, et c'est parfois même difficile de les assigner à un sexe ou à un autre. Mais en tout cas, pour certaines périodes du paléolithique, on a alors les périodes les plus récentes du paléolithique, le paléolithique supérieur, hein, il y a 40 000 ans, 30 000 ans, on a des éléments qui tentent à prouver que, par exemple au Gravettien, hein, cette période qui court au début du paléolithique supérieur, le dimorphisme était très peu accentué. Alors je vais vous raconter une petite histoire. On a découvert à la fin du 19e siècle une sépulture avec un squelette robuste, orné, paré, avec des coquillages, avec des offrandes, dans la tombe. Et évidemment, ça a été identifié comme, c'était près de Menton, on appelait ça l'homme de Menton. Et il se trouve que dans des décennies assez récentes, assez récemment, on a trouvé d'autres sépultures du même genre, avec la même configuration, les mêmes ornements, la même robustesse, la même orientation du squelette, etc., dans toute la péninsule italienne. Et ces sépultures, donc, se répétaient dans leur forme et dans leurs usages. Et on a étudié de façon assez précise ces squelettes, et on en a trouvé un où il y avait un fœtus qui était à l'intérieur même encore de cet individu, qui était évidemment une femme. Là-dessus, on a relu l'ensemble de ces sépultures, y compris celle de Menton, et on s'est aperçu qu'elles étaient toutes féminines. Ce qui conduisait d'abord à penser que les femmes pouvaient être l'objet de sépultures, ce qui n'est pas le cas de tout le monde au paléolithique, qu'elles étaient parées, ornées, etc., et puis qu'elles étaient robustes. Et que ce dimorphisme sexuel, en tout cas pour le début du paléolithique supérieur, mais je pense aussi pour le paléolithique moyen chez les néandertaliens, était très peu accentué. Et je pense que cette affaire de dimorphisme, d'accentuation du dimorphisme sexuel, eh bien, c'est quelque chose qui se produit surtout à partir du néolithique. Hein. C'est passionnant hein, de voir ce qui nous paraît comme des évidences, en fait, pouvoir être complètement déconstruit. C'est ainsi que l'homme de Menton est devenu la dame du Cavillon. Mais Claudine Cloen, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à ce sujet, « Femme de la préhistoire » ou encore « La femme des origines ». Et dans « Femme de la préhistoire », eh bien, c'est un paradoxe, hein. Mais là où les femmes sont le plus souvent ignorées, nous retrouvons celle qui fut pendant plus longtemps la première des femmes, Lucie. J'appréhende les hyènes dont je repère l'odeur. J'accompagne les gazelles, les antilopes naines. Je marche à distance de l'éléphant. En cours de route, je me régale de termites blanchâtres recueillies sur un mince bâtonnet. Je fouille souvent le sol afin qu'il m'accorde tout ce qu'il peut m'accorder. Le crépuscule m'enveloppe. Le corps là, je me fonds dans l'épaisse et noire coulée des nuits. Je grandirai, tu verras. Ma taille s'allongera. Mon cerveau s'accroîtra. Mes émotions se multiplieront. Je suis. Nous sommes un silo de pensées. Un réservoir d'idées, une citerne d'interrogations. Que ferez-vous de ces dons que je m'acharne à vous transmettre? Qu'en ferez-vous? Tandis que mes genoux s'affermissent, je vous pressens, mes enfants d'un autre âge. Je vous entrevois avec émerveillement, avec horreur. Je vous serre contre ma poitrine velue et du même geste, je vous repousse. Vous, qui célébrez vos morts, mais produisez 1000 cruelles façons de vous exterminer et de disparaître avant que la nature ne vous interrompe. Moi, je dois rester joueuse. Innocemment joueuse. Je me contenterai d'être votre racine et de risquer, malgré mes défiances, notre nécessaire destin. Je dois parier sur vous. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, Marion Malenfant qui lit ce très beau texte d'André Chédid, La femme verticale, texte sublime. Claudine Cohen, c'est intéressant d'évoquer ici Lucie. Lucie, celle qui, pendant longtemps, avant que d'autres soient trouvés, dont Toumaï, a été notre plus lointaine ancêtre. Mais Lucie était-elle une femme ? Alors, d'abord, pour commenter ce texte, c'est un très beau texte d'André Chédid, un texte poétique qui date de 1998 et qui montre à quel point Lucie, qui a été découverte en 1974 et qui a été nommée Lucie tout de suite, même sans aucun argument anatomique pour le confirmer, manifeste un grand tournant dans l'imaginaire de la préhistoire. Et je crois que c'est ça que révèle ce texte, hein, c'est que tout d'un coup, l'imaginaire de la préhistoire se trouve incarné dans une femme. Ça n'était pas le cas jusque-là. On parlait de l'homme de Cro-Magnon, et c'est lui qui a été célébré, chanté, etc. On parlait de l'homme, on a parlé tout à l'heure, on a commenté cette différence entre l'homme masculin et l'homme espèce, mais on identifiait donc tous les individus à cet homme. Et voilà que on nomme un fossile découvert dans la Phare en Éthiopie comme une femme. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de raisons à cela, mais une des raisons est probablement que c'est le moment précisément où les femmes entrent en préhistoire dans la paléontologie et la préhistoire américaine. Et ce sont des Américains, Yves Copin s'était présent, mais il y avait une équipe franco-américaine, et je pense qu'on a éprouvé à ce moment-là le besoin de mettre en avant ce rôle, ce personnage féminin. Alors évidemment, Lucie est devenue une sorte de mythe, et donc une construction imaginaire. On sait qu'il y a d'autres espèces que des Australopithèques à cette période. On sait que l'histoire de l'humanité est bien plus ancienne que les 3,3 millions qui sont assignés à Lucie. N'empêche qu'aujourd'hui, notre imaginaire est aussi incarné dans cette figure féminine. Et je pense que c'est une grande mutation de l'imaginaire. Et je crois que l'imaginaire fait beaucoup cette histoire des représentations scientifiques aussi, parce que les scientifiques sont aussi portés par l'imaginaire collectif. C'est exactement la question que je voulais poser à Anne Augereau, parce que nous faisons là un saut dans le temps, nous arrivons au néolithique. Anne Augereau, vous êtes l'auteur de « Femmes néolithiques », le genre dans les premières sociétés agricoles. Eh bien, dans l'histoire même de l'archéologie, vous êtes archéologue, il faut avoir un cerveau qui pense aussi genre, pour trouver quelque chose. Et pendant longtemps, ça n'apparaissait même pas comme une possibilité ou comme un centre d'intérêt. Maintenant, il y a un regard particulier. Oui. Alors, le genre, effectivement, c'est sur ce plan-là, on peut dire que la France n'a pas suivi le mouvement qui a été entamé en Europe du Nord, dans les pays anglo-saxons à partir des années 70. On peut dire que la France a un certain retard dans l'archéologie du genre, puisque ça fait que quelques années que des études d'archéologie du genre sont mises en œuvre chez nous. Le genre, ça implique effectivement de se poser la question des relations hommes-femmes, de aller au-delà des caractérisations entre guillemets culturelles qui a été le quotidien des archéologues pendant des décennies. Quel type de vase on produit à telle période, quel type de silex, quel type de maison, mais de se projeter dans l'organisation de la société, en fait. Le genre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'étude des rapports de domination, mais c'est aussi l'étude des rapports sociaux. Et ça implique effectivement de se mettre en capacité de rechercher ces choses-là. Et avec la matérialité de l'archéologie, avec le matériel que nous fournit l'archéologie, c'est une possibilité qui maintenant nous... Ça devient une évidence maintenant. C'est assez intéressant hein, de se dire que pendant très longtemps, la figure féminine au temps préhistorique, et nous quittons l'âge néolithique, les temps anciens, se réduisait, elle était sublime, hein, mais à une Vénus. De la femme, nous ne savons pas grand-chose, parce que elle ne nous a pas laissé de témoignages écrits. Or, la préhistoire, c'est ce qui est avant l'écriture. À partir d'une époque beaucoup plus proche de nous, mais toujours préhistorique, nous commençons à voir apparaître un certain nombre de documents qui nous permettent de comprendre comment les hommes de l'époque appréhendaient la femme. Monsieur le professeur Hugo a eu l'extrême obligeance de nous amener ces statuettes. Celle-ci s'appelle comment, monsieur? C'est la statuette de Willendorf, qui est une ville d'Autriche. C'est quelque chose de très ancien déjà. Comme on peut le remarquer, les caractères sexuels sont extrêmement exagérés. Oui. Mais fort curieusement, nous pourrons retrouver en Allemagne les mêmes caractères conservés à l'heure actuelle. Par conséquent, il y a à la fois cette qualité soulignée et en même temps une certaine exactitude. Henri-Jean Hugo, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, s'exprimait en 1972 dans l'émission Aujourd'hui Madame. Et il parlait alors de ce que nous appelons maintenant les Vénus paléolithiques. Mais ce mot Vénus, Claudine Cohen, est merveilleux là aussi par le vocabulaire utilisé. Et pendant longtemps, ces Vénus, comment dire, étaient presque l'archétype des fantasmes des hommes qui les étudiaient. Oui, on a dit plein de choses sur ces Vénus, évidemment, y compris l'abbé Breuil dont je parlais tout à l'heure, qui quand il a vu cette Vénus de Willendorf, a dit « c'est un réalisme poussé jusqu'à l'horrible ». Et là, il y a tout. Il y a d'abord l'idée du réalisme qui, je crois, surgit aussi dans le discours de votre... Le professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. D'une part, l'idée d'un réalisme, ce qui aujourd'hui est très très contesté. Hein. On sait qu'elles sont extrêmement stylisées, ces statuettes, pour mettre en évidence certains éléments du corps, hein, comme le ventre, les fesses, le sexe, etc. Tandis que la tête, les bras, les jambes sont complètement oubliés et rapetissés. Ou même inexistant, et puis l'horrible, parce qu'il y avait ce regard sur le corps de la femme qui était absolument horrifié. Alors, il y a cette interprétation, il y a d'autres interprétations qui ont au contraire voulu faire de ces objets des objets de désir. Et c'est alors l'expression de la testostérone de mâle qui était dans le besoin sexuel de jeunes gens qui dessinaient sur les parois des grottes des vulves ou qui sculptaient ces statuettes. Bon, on est aussi revenu de cela et il est très probable que ces statuettes avaient un rôle social, symbolique, très important qu'il s'agit de décrypter. Et pourquoi pas même imaginer que ces statuettes sont l'œuvre de femmes? Bien sûr. Alors, il y a toute une variation dans ces statuettes paléolithiques. Il y en a qui sont très évidemment enceintes. Il y en a qui sont extrêmement petites et très très simplifiées dans leur forme, mais on voit qu'elles ont un gros ventre. Et par exemple, les statuettes de Grimaldi, il y en a toute une série. On en a trouvé aussi près d'Amiens des statuettes très stéréotypées qui sont presque des objets de série, qu'on fabriquait comme ça dans des formes très schématiques. Et on peut imaginer, c'est une hypothèse intéressante, qu'elles étaient utilisées comme des amulettes. Et des amulettes, probablement pas pour la fécondité, parce qu'encore une fois, la fécondité n'est peut-être pas la préoccupation première de ces peuples-là, mais pour protéger ce moment difficile dans la vie d'une femme, qu'est la grossesse et qu'est l'accouchement. Et si c'est bien le cas, si c'était des amulettes utilisées par des femmes, pourquoi n'auraient-elles pas été aussi fabriquées par des femmes? Donc il y a toutes sortes d'hypothèses qui peuvent permettre d'ouvrir ce genre de questions. Évoquer la place des femmes dans la préhistoire, c'est passionnant parce que nous avons, de manière presque factuelle mais scientifique, ces études qui disent, voilà, les femmes faisaient cela, les femmes avaient telle place, étaient dominées ou non dominées. Et puis il y a tout le regard, l'histoire même du regard porté sur les femmes dans la préhistoire. Anne Augereau, ce moment néolithique que vous connaissez si bien, marque-t-il une domination, en tout cas le début d'une domination qui vraiment traverse alors là les millénaires et que l'on retrouve un petit peu aujourd'hui? Est-ce que le néolithique, l'agriculture, la sédentarisation est pour la femme pas la meilleure nouvelle? Alors, il y a un certain nombre de données qui effectivement permettent de poser l'hypothèse que les femmes étaient dominées, subordonnées aux hommes. Ça reste pour le moment une hypothèse. Mais néanmoins, il y a des éléments qui permettent d'asseoir cette hypothèse. Le fait, par exemple, que pour la fin du Rubanais, on a trouvé à plusieurs reprises des charniers avec un certain nombre de personnages morts de morts violentes, parmi lesquels il n'y a pratiquement pas de femmes en âge de procréer. Donc on peut penser, c'est une hypothèse développée par un certain nombre d'archéologues, que ces charniers sont le résultat de rapts visant notamment à se procurer des femmes en âge de procréer. Il y a aussi le fait que les femmes sont plus mobiles que les hommes. C'est-à-dire que les hommes dont je parlais tout à l'heure à Herminette, ils sont tous d'extraction locale. Ils sont morts à l'endroit où ils sont nés. Alors qu'il y a une proportion de femmes qui vient d'ailleurs. Et on peut envisager, au moins pour une partie de ces femmes, que le mode de mariage était un mode patrilocale, c'est-à-dire que les femmes venaient épouser des hommes chez eux, pour simplifier, en tout cas pour une partie des femmes. On peut aussi envisager, bon, il y a une répartition des tâches assez importante, il y a l'alimentation dont je parlais tout à l'heure, où les femmes semblent moins bien nourries que les hommes. Donc il y a tout un faisceau de données qui permettent de poser l'hypothèse d'une domination masculine et par conséquent d'une forme de subordination des femmes, au moins partielle. C'est cette étude impressionnante que l'on peut retrouver dans votre livre, Anne Augereau, Femme néolithique, le genre dans les premières sociétés agricoles, CNRS édition, sur cette culture du Rubanais que nous avons évoqué. Donc c'est quoi? C'est toute l'Europe centrale jusqu'au bassin parisien? Jusque dans le bassin parisien. Le Rubanais est né dans le bassin des Carpates et a essaimé le long du Danube et en se diffusant un petit peu au nord et au sud, jusque dans le bassin parisien, voire à ses marges occidentales. Voilà, donc comme ça, les auditeurs, les auditrices peuvent commencer pour le paléolithique avec les ouvrages de Claudine Cohen, la femme des origines, femme de la préhistoire. Et puis là, qui vient de paraître, Nos ancêtres dans les arbres, penser l'évolution humaine aux éditions du Seuil. Et puis avec le néolithique, votre ouvrage, Anne Augereau. Merci vivement à toutes les deux de ce panorama. C'est foisonnant, ce domaine de recherche est toujours passionnant. Il est temps dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, quand la justice s'invite au stade. Le 4 mai 1930, Michel Pradier, joueur de rugby d'à peine 20 ans, meurt d'un plaquage qui lui a rompu la colonne vertébrale au cours d'un match opposant son équipe d'Agen à celle de la ville de Pau. C'est à partir de cet événement que Christophe Granger interroge l'histoire du sport dans le dernier numéro de la revue 2021. Ce soir-là, dans un stade bordelais, en quelques minutes, c'est une page majeure de l'histoire du sport qui s'écrit. L'année suivante, Fernand Taillantou, l'auteur du plaquage mortel, est condamné pour homicide par imprudence à 3 mois de prison avec sursis. En interrogeant la responsabilité pénale du sportif qui en blesse un autre dans le feu de l'action du jeu, le procès Taillantou constitue un maillon essentiel de l'histoire du droit du sport. Dans ce domaine, y a-t-il un droit à la violence? Le sport doit-il être consacré comme une activité parmi d'autres en société ou comme un espace spécifique, régi par ses propres règles, elles aussi particulières? Le procès Taillantou attire les foules, curieuses du dénouement de ce drame sportif. Certains sont là pour voir la preuve éclatante de la dangerosité de ce sport amateur enfin révélé au monde, tandis que d'autres soulignent non pas la violence consubstantielle de ce sport, mais la brutalisation déplorable qu'il subit dans ses pratiques depuis quelque temps. Le procès se déroule au tribunal, mais aussi dans la presse, entre défenseurs et détracteurs du ballon ovale. On y évoque le rôle criminel de la spectacularisation du sport, son exceptionnalité, mais aussi la fatalité des accidents inévitables, on s'interroge sur les moyens d'intervenir pour éviter d'autres morts. La passion, oui, mais pas jusqu'à la mort, qui n'a rien à voir avec l'esprit sportif. Le rugby est à un moment particulier de son histoire à ce moment-là. Devenu populaire et porteur de forte identité locale dans le sud-ouest de la France, son succès transforme le jeu. Les clubs français se livrent une guerre sans merci qui dénote dans le monde du sport amateur au point de voir la France exclue du tournoi des Cinq Nations en 1931 aussi. Un lien trop intime entre la compétition et sa spectacularisation. Pradier n'est pas le premier mort de ces rivalités sportives exacerbées. Mais si Taillantou était condamné, c'est la vie du rugby qui serait menacée et ses pelouses désertées. Il ne s'agit pas d'interdire les sports violents. La jurisprudence, issue du procès fait à la boxe en 1912, l'a déjà établi. Quatre boules de cuir et soudain de qui roulent, répandant leur chapelle dans le cri de la foule. Les sports violents sont légaux et peuvent comporter certains risques acceptés par leurs joueurs. Mais quelles sont les limites de cette tolérance de la violence organisée ? Personne ne nie le plaquage de Taillantou, reste à savoir s'il a été fait dans les règles de l'art. Mais l'argument que retient le tribunal en première instance est historique. Dans ce contexte de compétition, la victime consent aux blessures liées à son activité et se soumet volontairement à ce risque. Christophe Granger nous rappelle ici que ces principes prévalent depuis près d'un siècle déjà, aussi bien en matière de duel que d'opérations chirurgicales. De façon à exonérer de poursuites celui qui tue son opposant pour laver son honneur et le médecin dont l'intervention occasionne un dommage imprévu. Finalement, ce sont les manquements à l'esprit du sport qui condamnent Taillantou pour homicide par imprudence. Si le plaquage était adapté à la situation, son intensité ne l'était pas. Pradier n'était plus détenteur du ballon et ne pouvait donc pas s'attendre à un plaquage, encore moins aux coups, prises toujours dangereuses. C'est en vertu des règles du jeu sportif que la justice reconnaît la responsabilité pénale et condamne Taillantou. Une première qui établit la possibilité de l'intervention de la justice dans le sport, seulement dans les cas avérés de mauvais esprit sportif. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Clément Daté, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Viudès, Odile Joessel, Juliette Corbel-Vivas, une émission dont la programmation est assurée par My One Gives You, à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, nous poursuivons notre recherche préhistorique. Il était une fouille, l'Afrique, l'art rupestre en Afrique.